Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah, alors t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Hier, comme promis, c'était donc la rencontre dans l'amour et dans le pré. Les fermiers ont découvert les femmes qui leur ont écrit, c'est beau. Mmh. Ah oui. Et le moins que l'on puisse dire, évidemment, c'est qu'ils avaient plein de choses à se raconter. Okay. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire là? Pour te connaître, peut-être là. Voilà, donc là, c'est super. Vrai qu'on était quand même pas mal, mais ne vous y trompez pas, hein, c'est ce qui plaît aux femmes, visiblement. Ah oui, il a un charme fou, c'est vrai. Oui, il dégage quelque chose de terrible, une sérénité. Ah oui, une sérénité. Bah oui, il ne sait pas parler, hein, il n'a rien à dire, voilà, c'est ça. Bon, cela dit, il y a une autre méthode, hein, un peu plus chiante, c'est vrai. En musique, j'aime bien toute la musique, moi. La musique d'hier, Edith Piaf, Dalida, Claude François, mais j'ai des enfants, j'en ai encore deux avec moi, donc j'aime bien aussi la musique d'aujourd'hui, Rihanna, Black Eyed Peas, même de la musique classique. Si on va au restaurant une fois, moi dans un chinois ou un autre restaurant, ben ça ne me dérange pas d'écouter de la musique, c'est une autre variété. Donc moi j'aime bien tous les styles de musique. Elle s'arrête jamais, la même juste insupportable. Mais pourtant, elle est persuadée de n'avoir rien dit en fait. Hein. J'ai parlé un peu, mais je l'ai laissé plus me parler, me poser des questions, parce que tu sais, c'est quand même lui qui choisit parmi les femmes, donc je veux quand même pas trop poser, j'en ai posé quelques-unes, mais plus lui, il réfléchissait parce que voilà, donc on va pas poser n'importe quoi, on est filmé, on est. On est filmé. Mais la question c'est, est-ce que vous vous souvenez de lui? J'ai eu un gros problème avec mon supérieur, je l'ai malheureusement tué. Comment? Malheureusement. J'ai pas fait exprès. Eh bien, vous êtes mort. Eh bien, cette année, on a celle qui le gardait. Je suis gardienne de prison. Et oui, je suis gardienne de prison. Alors sinon, il y a un message également. Mais ils ont un prix chez les repris de justice ou comment ça se passe? Écoute, je ne sais pas, mais attends, probablement, à mon avis, oui. Et donc, du coup, sinon, il y a aussi un message pour Audrey qui est arrivé. Ça fait grossir les frites, mais c'est tellement bon. Ah là là. Mais l'important, évidemment, c'est que l'amour triomphe toujours et ça, c'est le principal. Vous les avez dit, j'ai pas eu les papillons dans les yeux. Ça veut dire que réciproquement, il s'est pas pour vous passé quelque chose à la rencontre, au speed dating? Non, franchement, non. Non, voilà, franchement, il ne s'est rien passé. Cet amour. Ah, c'est tout pour aujourd'hui. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Allez, on écoute la ligne anti-relou, le message maintenant. On écoute le premier. Salut Carole, bah écoute, c'est grosse bite, Rachid, hein. Bah appelle-moi quand on se fait un petit film de cul au téléphone. Hein. Mais parfait, c'est ce qu'il fallait. Ah bah ouais, c'est ça, deuxième message. C'est moi, c'est Chantal. Je sais que tu ne veux plus me parler. On dirait un mec. J'ai laissé des messages vocaux. Non, j'ai laissé des messages, des SMS, comme vous appelez ça. Mais je regrette de ne pas t'avoir en ligne, parce que j'aimerais te dire quelque chose que je voudrais que tu entendes. Mais enfin, c'est comme ça. Si toi, tu regrettes de m'avoir demandé mon numéro, moi, je regrette de t'avoir connu. Allez, salut. Eh ben, tu peux jouer au Bécherel Game, hein. Oui, n'hésite pas, parce que je pense que là, il y a de quoi gagner. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant, tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio. Tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Et maintenant, sur Fun Radio. Fun. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Avec Aline, la plus perdante de toutes. Et on accueille Nicolas pour le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Salut Nico. Salut. Comment ça va? Très bien avec vous. Bah ça va, et tout jeune Nico. Et donc tu vas jouer, tu vas tenter de battre Aline, de Dieu sait que c'est facile. Au ni oui ni non, ni vous verrez bien, d'accord? Ouais. Bon, le principe est donc simple, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, et aujourd'hui, bon, on va modifier un petit peu. Il ne faut pas dire je, parce que je sais que ça ennuie un peu Aline, oui, ça. Oui, bah oui, complètement. Bah oui, bon, on peut pas parler d'elle. Oui. Bon, ni oui ni non, ni je, tu as une minute pour lui faire dire un de ces trois mots sans les dire toi-même, d'accord? Ouais. Bon, allez, c'est parti, conversation la plus naturelle possible. Donc tu poses des questions, elle te pose des questions, tu réponds, elle répond, bref, normal. On y va, une minute, 3, 2, 1, go. Nicolas? Nicolas? Ça va? Ça va et toi? Très bien. Tu fais quoi de beau aujourd'hui? Une journée normale. Rien du tout. Non. T'es dégueulasse. Ouais, un vraiment, petit 13 ans, tu ne fais même pas gagner. T'es dégueulasse. J'ai donné un truc. T'es dégueulasse. Bon, Nico. Bon, ouais. C'est perdu. T'as vu comment elle est dégueulasse, Aline, comment elle est méchante. Boum. Ouais, c'est très sympa. On peut gagner une compile. Voilà, ça c'est pour Aline. T'es méchante. Merci. Bon, bah Nicolas, c'est malheureusement, sympa. C'est perdu, mais tu reviens quand tu veux quand même, hein, d'accord. Ouais. Bon, allez. Bonne journée quand même, hein. Ouais. Salut. Allez, salut Nico, ciao à toi, bye bye. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. La question existentielle dans Mickaël à la radio sur Fun Radio. La question existentielle, on va donc appeler sur la mort, c'est ça, c'est la question existentielle. Bah oui, parce qu'en fait, voilà, hier j'avais une heure à tuer et je me suis demandé si je risquais rien à tuer une heure, quoi. Je comprends, évidemment. Bah oui. Question existentielle, quoi. Bah c'est important. Bah tout est dit. Donc on va appeler à Aulnay. Allons-y. Et on va voir un peu comment ça se passe là-bas, direction Aulnay, hein, pour leur poser les questions, questions existentielles. C'est parti. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle, j'avais une petite question à vous poser. Oui, quoi ? Oui, ben en fait, je me demandais, est-ce que vous pensez que c'est risqué si je tue une heure ? S'il vous plaît ? Je vous demande si c'est risqué si je tue une heure. Au revoir. Bah... Mais du coup, il n'a pas répondu à la question. Bah oui, bon, on le rappelle. Retour à Aulnay. Oui. Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous avez pas répondu. Mais tu vas faire chier des heures, toi. Prochaine fois, j'appelle la police. Ah oui, alors. D'accord, oui. Mais ça répond toujours pas à ma question. Et va faire tout ça, ma question, ok. Non, c'est pas une question, ça, monsieur. Quelle agressivité. Et putain, je dors, moi, ça va. Bah non, vous dormez pas puisque vous me parlez. C'est pas bah beau. Bah non, parce que ça me fait chier, je dors pas. C'est pas beau de mentir, monsieur. Oh. Bon, on va le rappeler, je pense qu'il est chaud. Bah là, oui. Je pense qu'il est à point, là, on y va. La prochaine fois que vous téléphonez, c'est directement le numéro de téléphone à la police. Oui. Avec une plainte. Oui, c'est bonjour. Bien compris ? Bonjour, madame. Voilà, j'étais en communication avec votre mari, je lui posais une question, il n'a pas su me répondre. Peut-être que vous avez la réponse. Mais j'en ai rien à foutre de votre question, laissez les gens dormir, merde quoi. Si vous avez rien d'autre à faire, si vous êtes au chômage, que vous vous emmerdez, ben allez, au lieu de téléphoner aux gens, postulez pour un emploi. Bonne fin de journée. Voilà. Et c'est surtout que directement attaqué sur le chômage, alors que tu as un travail. Oui. C'est ça ton travail. Bah oui, mais c'est ça. Vous posez des questions. Oh là là, je vous jure, les gens, ils sont aigris, c'est un mais oui, de alors que moi j'appelais en toute sympathie ce matin, j'étais même prêt à partager le petit déj et voilà. Exactement. Mickaël à la radio, le replay.